Réponse à l'ambiguïté des Murji'a sur la parole de Mohammed al-Amin al-Shankati, Ben Brahim al-Ashir et Ibn Taymiyyah. Les serviteurs des gouverneurs apostats trafiquent les paroles des savants du Tawhid et essaient de n'en rapporter que ce qui peut être soit compris à leur sauce, soit comme l'ont compris les savants. Ils utilisent donc leurs propos soit en les trafiquant, soit en rapportant que des paroles non détaillées au sujet de la question « ne pas gouverner par la loi d'Allah ». Ils essaient de faire croire que ces savants disent que le fait de codifier des lois opposées à la loi d'Allah n'est pas du polythéisme tant que le gouverneur est convaincu qu'il commet un péché. Nous allons vous montrer ici la nature de leurs mensonges sur trois imams de renom, Mohammed al-Amin al-Shankati, Mohammed ibn Ibrahim al-Ashir et Ibn Taymiyyah. Je demande à Allah son secours et son aide, et pour quiconque veut plus de détails, qu'il revienne aux ouvrages du Sheikh Abu Ruhayyim, Mohammed al-Dawsari, et ceux qui ont réfuté les ambiguïtés des Murji'a. 1. Leur mensonge sur Mohammed al-Amin al-Shankati. Ils disent, Cheikh Mohammed al-Amin al-Shankati, rahmahullah, a dit, sache que la position juste dans ce sujet est que kufr, mécréance, dulm, injustice et fesq, perversité, peut tout être utilisé dans la législation avec l'intention de désobéissance dans un premier temps et avec l'intention du kufr qui fait sortir de l'islam dans un autre temps. Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé, se détournant et contredisant le messager, prière, bénédiction d'Allah sur lui, et annulant les lois d'Allah, ahkam, alors son dhulm, fisq et kufr, tous sont une mécréance qui le fait sortir de la religion. Et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé, tout en ayant la conviction qu'il commet une action interdite et un acte répréhensible, alors son kufr, son dhulm et fisq ne le fait pas sortir de la religion. Voir dans Adwa al-Bayan 2, numéro 104. Analyse. Cette situation du shirk est correcte, juste, mais ne sert en aucun cas comme argument à la prétention des pseudo-salafis. Mais c'est une preuve contre eux. Quand le shirk dit « Sache que la position juste dans ce sujet est que le kufr, la mécréance, le dhulm, injustice et fisq, perversité, peuvent tous être utilisés dans la législation avec l'intention de désobéissance dans un premier temps et avec l'intention du kufr qui fait sortir de l'islam dans un autre temps. Il est clair que le shirk veut faire une distinction entre deux cas, celui qui fait un péché et celui qui fait du kufr. Seuls les khawarij et les murji'a ne font pas la distinction entre les deux. Les khawarij font l'égalité dans le kufr. Pour eux, celui qui désobéit sort de la foi. Et les murji'a font l'égalité dans la désobéissance. Pour eux, celui qui donne à Allah un associé n'est pas mécréant, tant qu'il n'a pas renié dans son cœur. Quand le shirk dit, et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé, se détournant et contredisant le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et annulant les lois d'Allah, alors son dhulm, fisq et kufr, tous sont une mécréance qui le fait sortir de la religion. Ici, le shirk dit une chose extrêmement claire, pour ceux qui analysent ce qu'il a expliqué à ce sujet dans de nombreux endroits de son tefsir. Le shirk a énoncé ici trois choses qui constituent la mécréance qui fait sortir de la religion. 1. Se détourner du messager. 2. Contredire le messager. 3. Annuler les lois d'Allah. Mais cette parole n'est pas détaillée. Nous ne pouvons savoir qu'est-ce que le shirk considère comme tel dans cette parole-là. Mais le shirk a détaillé cela dans divers endroits de son tefsir. Premièrement, il dit dans le tefsir du verset 31 de la sourate 9 « Or, l'association à Allah dans son jugement et l'association à Allah dans son adoration indiquent tous deux une seule et même signification, et il n'y a aucune différence entre les deux. En effet, celui qui suit un règlement autre que le règlement d'Allah, ou qu'Allah n'a pas légiféré, ou une loi, qanun, opposée à la loi d'Allah, qu'aurait mis en place un être humain, une telle personne s'est détournée de la lumière céleste qu'Allah fit descendre sur la langue de son messager. Quiconque agit de la sorte est exactement comme celui qui se prosterne pour une statue ou adore une idole. Il n'y a aucune différence entre les deux, de quelque angle que ce soit. Ils sont une seule et même personne, car tous deux sont idolâtres, associés à Allah. Celui-ci est associé dans l'adoration et celui-là dans le jugement. Or, l'association dans l'adoration et dans le jugement sont une seule et même chose. » Fin de citation. Analyse. Le shirk a considéré que le fait de suivre les lois humaines opposées à la loi d'Allah s'est détourné de la lumière céleste. Nous retrouvons donc dans cela les conditions mentionnées dans le passage que citent les Murji'a. Se détourner du messager, contredire le messager, annuler les lois d'Allah. Deuxièmement, et il dit dans le tafsir du verset dans « Et il n'associe personne à son jugement » (sourate 18, verset 26). Après une longue explication du verset, et il apparaît de la plus claire façon de ces textes divins que nous venons de citer, que ceux qui suivent les lois humaines, que leur a légiféré Satan par la langue de ses alliés, et qui contredit ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne fait aucun doute de leur mécréance et de leur idolâtrie, si ce n'est pour celui à qui Allah a voilé la vue et a rendu aveugle de la lumière de sa révélation, tout comme eux. Analyse. Le shirk considère que le suivi des lois humaines qui contredit ce qu'Allah a révélé est une mécréance dont personne ne doute si ce n'est celui à qui Allah a voilé la vue et a rendu aveugle. Comment douter de l'égarement de ces gens après une telle dénonciation? En d'autres termes, le shirk considère que le suivi des lois humaines est égal à contredire le messager d'Allah, se détourner de son message, annuler ses lois. Où est la contradiction? Troisièmement, il dit dans le tafsir de la sourate 47, verset 25-28, « Toute personne qui dit à ses mécréants, qui haïssent ce qu'Allah a révélé, nous allons vous obéir dans certaines choses, sont inclus dans la menace de ce verset. À plus forte raison encore, ceux qui disent « Nous vous obéirons dans toutes choses, comme ceux qui suivent les lois humaines inventées, obéissant par là à ceux qui haïssent ce qu'Allah a révélé. » Cela, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'ils seront de ceux que les anges frappent le visage et le derrière et qu'ils suivent ceux qui encourent la colère d'Allah et haïssent ceux qui l'agréent et que leurs actes sont vains. Cette parole du shir est on ne peut plus clair et va tout à fait dans le sens de ce que le shir a dit précédemment. Conclusion. Le shir rend mécréant celui qui se détourne de la loi du prophète, le contredit et l'annule. Le shirk rend mécréant celui qui suit les lois humaines qui contredisent la loi du messager et considère que c'est une façon de se détourner de lui. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'ont cité les murji'a et ce que nous avons cité. Quant au reste de la parole du shirk mentionnée par les murji'a, et celui qui ne juge pas avec ce qu'Allah a révélé, tout en ayant la conviction qu'il commet une action interdite, est un acte répréhensible, alors son kufr, dhulm et fisq ne le fait pas sortir de la religion. Il s'agit alors de celui qui juge par la loi d'Allah, mais sans tomber dans les actes de celui que le shirk rend mécréant, c'est-à-dire sans suivre une loi opposée à la loi du messager. Exemple, juge qui n'applique pas la loi d'Allah sous l'effet de sa passion, et non pas en suivant un code ou une loi opposée à la loi d'Allah, ou en respectant une loi inventée par les hommes. Ces deux choses sont totalement différentes. Cela concerne le juge qui n'applique pas la loi d'Allah dans un ou plusieurs cas particuliers, mais pas celui qui instaure un règlement général et automatique, comme des tribunaux spécialisés pour les litiges commerciaux, banquiers, employeurs, employés, etc. Et celui qui prétend qu'il y a contradiction entre ces deux paroles, qu'il nous explique comment prend-il sa science d'un homme qui, d'après lui, affirme dans un même livre des paroles qui sont soi-disant celles des Khawarij, dans plus de 5 endroits de son tafsir, mais se repentit d'elle dans un seul endroit, sans effacer les autres ni mettre en garde contre. Cela ne peut être possible que dans deux cas. 1. Le shirk a une mémoire défaillante. Le shirk est inconscient. Pourriez-vous affirmer cela? 2. Leur mensonge sur shirk Mohammed ben Ibrahim et le shirk. Ils disent Mohammed ben Ibrahim et le shirk, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Et celui qui juge avec elle les lois autres que celles qu'Allah a révélées et s'y réfère pour le jugement, tout en croyant que cela est correct et que c'est possible. Alors il a mécru avec le kufr qui le fait sortir de la religion. Et celui qui agit ainsi sans croire que cela est correct et permis de juger avec, alors il a mécru avec le kufr dans l'action qui ne fait pas sortir de l'islam. » Majmou' Fatawa Ibn Ibrahim, tome 1, page 80. Cette parole de Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim est exacte et bien traduite, mais les murji'a essaient de la faire comprendre d'une autre manière que le Cheikh l'avait voulu. Lorsque le shirk dit « Et celui qui juge avec elle les lois autres que celles qu'Allah a révélées, et s'y réfère pour le jugement, tout en croyant que cela est correct et que c'est possible, alors il a mécru avec le kufr qui le fait sortir de la religion. » Nous savons que le shirk ne parle pas de ceux qui suivent les lois humaines, opposées à la loi d'Allah, et qui les imposent comme référence dans les jugements, car le shirk a plusieurs paroles très claires à ce sujet, et il faut les juxtaposer pour savoir ce que signifie cette parole du shirk. Premièrement, et aussi, les lois humaines sont une mécréance qui expulse de la religion. Le fait de croire que ces lois sont justes et permises, et certains même en disent encore plus que cela, ces gens-là annulent leur attestation que Mohammed est le messager d'Allah et annulent également leur attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. En effet, il fait partie de l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, qu'il n'y a aucun être obéi en dehors d'Allah. Aussi, ils l'ont annulé en adorant autre qu'Allah. Quant à ce qu'on appelle kufr, dona kufr, petite mécréance, c'est lorsqu'il se réfère à un autre qu'Allah en ayant la conviction qu'il est pécheur et que le jugement d'Allah est la vérité. Alors cela est ce qui lui arrive une fois ou quelque chose comme ça. Quant à celui qui place des lois, qawanin, bien structurées en exigeant la soumission à celles-ci, alors cela est de la mécréance, même s'il dit « nous avons tort et le jugement de la loi islamique est plus juste ». Ceci est une mécréance qui exclut de la religion. Fin de citation. Deuxièmement, il dit « Le pays dans lequel on gouverne par une loi forgée n'est pas un pays islamique et il est obligatoire de le quitter, tout comme le pays dans lequel l'idolâtrie apparaît ouvertement sans qu'il n'y ait de blâme ou sans qu'on change la situation. Il faut quitter un tel pays. » En effet, la mécréance arrive lorsqu'il y a propagation de la mécréance et qu'elle apparaît au grand jour. Un tel pays est un pays mécréant. Par contre, s'il arrive qu'on juge par cette loi, dans certains cas isolés, ou qu'il y ait certaines mécréances en petit nombre et sans qu'elles ne soient apparentes au grand jour, alors c'est un pays d'islam. Ces paroles sont on ne peut plus claires. Ces paroles sont on ne peut plus claires. Et le shirk y a détaillé ce qu'il entend par la mécréance mineure et la mécréance majeure. De ce fait, lorsque le shirk dit, et celui qui juge avec elle les lois autres que celles qu'Allah a révélées, et s'y réfère pour le jugement, tout en croyant que cela est correct et que c'est possible, alors il a mécru avec le kufr qui le fait sortir de la religion. C'est le cas de celui qui place des lois qawanin bien structurées en exigeant la soumission à celles-ci. Alors cela est de la mécréance, même s'il dit nous avons tort et le jugement de la loi islamique est plus juste. Ceci est une mécréance qui exclut de la religion. Et lorsqu'il dit et celui qui agit ainsi sans croire que cela est correct et permis de juger avec, alors il a mécru avec le kufr dans l'action qui ne fait pas sortir de l'islam. Il parle du cas où, s'il arrive qu'on juge par cette loi, dans certains cas isolés, se réfère à un autre qu'Allah en ayant la conviction qu'il est pécheur et que le jugement d'Allah est la vérité. Alors cela est ce qui lui arrive une fois ou quelque chose comme ça. Et le shirk dit, et tu pourras dire, si une personne qui gouverne par une loi forgée dirait, j'ai conviction que cette loi est fausse, que ceci, cette prétention, n'a aucun effet sur lui. Au contraire, il a cessé d'appliquer la loi islamique et c'est comme si une personne disait « j'adore les idoles, mais j'ai conviction que ces idoles sont fausses ». Et s'il est capable d'émigrer de ce pays où on gouverne par les lois humaines forgées, cela devient une obligation pour lui. Fin de citation. Que veux-tu de plus clair? Y a-t-il la moindre contradiction? Quant à ceux qui prétendent que le shirk s'est repenti de toutes ses fatawas en donnant celles que les murji'a ont mentionnées, sache qu'aucun des élèves du shirk n'a jamais rapporté cela de lui, ni même Ibn Baz. Au contraire, ceux comme Salah et le shirk, Ibn Baz, Ibn Jibrin, Rodayan, Fawzan et les autres, lorsqu'ils mentionnent l'avis du shirk Ben Brahim dans ce sujet, rapportent tout ce que le shirk voyait la chose comme du grand kufr. 3. Leur mensonge sur Ibn Taymiyyah. Ils disent, Shir al-Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'explication du verset, traduction relative et approchée. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des mécréants. C'est-à-dire qu'ils considèrent permis de gouverner par autre que ce qu'Allah a révélé. Voir dans Majmu' Fatawa 3, 268. Analyse. Ils ont cité en tout et pour tout une parole d'Ibn Taymiyyah de deux lignes. Et encore, ça dépend de la mise en page. Voici la mention complète du passage d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a dit dans la totalité du texte, lorsqu'un homme légalise ce qu'Allah a interdit et qui ne fait pas l'objet de divergence, ou interdit ce qu'Allah a permis qui ne fait pas l'objet de divergence, ou remplace la loi qui ne fait pas objet de divergence, c'est un mécréant apostat à l'unanimité des juristes. C'est dans ce genre de choses que fut révélée la parole d'Allah, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. C'est-à-dire celui qui légalise de juger par autre que la loi d'Allah. Or, le mot « loi » se comprend chez les gens sur trois choses. 1. La loi révélée, c'est ce que nous enseigna le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui est obligatoire de suivre, et quiconque s'y oppose doit être puni pour cela. 2. La loi déduite, ce sont les avis des érudits mujtahid, comme la méthode de Malik ou autre. Il est permis de la suivre, mais ce n'est pas obligatoire, ni interdit. Et personne n'a le droit de l'imposer à l'ensemble des gens ou de l'interdire. 3. La loi modifiée, Mubaddal, c'est de mentir sur Allah et son... 3. La loi modifiée, Mubaddal, c'est de mentir sur Allah et son messager, ou de mentir aux gens par de faux témoignages ou autre chose du genre, ou l'injustice claire. En effet, quiconque dit « Ceci est la loi d'Allah » est mécréant sans aucune divergence. Tout comme celui qui dit « Le sang et la bête morte sont licites. » Et même s'il dit « Ceci est ma méthodologie ou autre. » Fin de citation. Constatez par vous-même qu'ils ont coupé le texte quasi totalement, mais que le passage complet laisse comprendre tout autre chose que ce que disent. De plus, lorsque le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, c'est-à-dire qu'il considère permis de gouverner par autre que ce qu'Allah a révélé. Je répète encore que quand Ibn Taymiyyah utilise le terme istihlal, il veut dire car l'istihlal est le fait de croire qu'Allah ne l'a pas interdit. Ou d'autres fois, c'est de ne pas croire qu'Allah l'a interdit. Et ceci est du domaine de la foi en la seigneurie et de la foi en la prophétie. C'est le reniement pur et infondé. Et des fois, c'est quand il sait qu'Allah l'a interdit et que le messager n'interdit que ce qu'Allah interdit, mais il refuse de se conformer à cette interdiction et s'entête contre celui qui l'a interdit. Et ceci est une mécréance pire que celui d'avant. Et il se peut que cela se passe malgré qu'il sache que celui qui se soumet pas à cette interdiction sera puni par Allah et châtié. De plus, ce refus et cette insoumission peuvent soit être du domaine de la croyance quant à la sagesse d'Allah qu'il a ordonné ou de sa puissance. Cela le mène à ne pas croire en l'un des attributs d'Allah. Ou bien cela peut venir d'une personne qui sait tout cela et y croit, mais par révolte ou suivi aveugle de ses caprices. Et c'est en réalité de la mécréance. Puis il dit, et ceci, c'est-à-dire le refus de se conformer à l'interdiction, est une autre chose que le premier, c'est-à-dire à croire en la permission de ce qu'Allah a interdit. Et le tekfir d'une telle personne est inévitablement connu en religion de l'islam, et le Coran est rempli de tekfir de ce genre de catégorie, et son châtiment est même pire. Fin de citation. Ibn Taymiyyah dit aussi, il est fondamentalement connu dans la religion des musulmans, et unanimement connu pour tous les musulmans, que quiconque accepte de suivre une autre religion que l'islam ou de suivre une autre loi que la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant. Sa mécréance est la même que celui qui croit en une partie du Coran mais croit en une autre. Comme Allah le dit, certes, ceux qui mécroient en Allah et son messager et veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et disent, nous croyons en certains et ne croyons pas en d'autres, et veulent prendre une voie intermédiaire à cela, ceux-là sont les véritables mécréants et nous avons préparé un terrible châtiment pour les mécréants. Et il dit, la loi descendue de la part d'Allah est le Coran et la Sunna, avec laquelle Allah envoie à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cette loi, personne n'a le droit de la quitter, seul un mécréant la quitte. Et il dit, et Allah a ordonné à tous les musulmans de reporter leur désaccord à Allah et son messager, comme Allah le dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien meilleur et de meilleure interprétation et aboutissement. Sourate 4, verset 59. Et Allah dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Quiconque ne se conforme pas à prendre pour juge Allah et son messager dans leur dispute, Allah a juré par lui-même qu'il n'a pas de foi. Par contre, celui qui se conforme, multazim, à la loi d'Allah et du messager intérieurement et extérieurement, mais désobéit et suit sa passion, c'est celui-là qui est à classer avec ses semblables parmi les pécheurs. Ce que l'on veut dire, c'est que le fait de juger avec justice est une obligation absolue, en tout lieu et à toute époque, pour tout le monde et envers tout le monde. De même, juger par la loi qu'Allah a révélée à son messager est la justice précise, et la plus parfaite forme de justice est la meilleure. Juger par elle est obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que pour tous ceux qui le suivent. Quant à celui qui ne s'y conforme pas, c'est un mécréant. Et Allah sait mieux.